وعن أبي هريرة كذلك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث اللي في الصحيحين الله lui pardonne ses péchés antérieurs qui sont passés si il fait رمضان إيمانا واحتسابا. Et ça nous montre أن صيام رمضان c'est pas une coutume, c'est pas une coutume. بعضهم c'est des كفرة ni في الصلاة ni la الشهادة ni se prétend مسلم. Lakin, il fait le siyam parce qu'il a des amis musulmans. L'islam, ce n'est pas un jeu. Ça, c'est une ibadah azima. Celui qui veut faire cette ibadah, imanan wa ihtisaban wa illa yut'ib nafsa. Il s'est fait du mal. Il s'est fait du mal et, fil haqiqa, c'est min as-safaha. Tu te prives pour suivre des amis. Na'oudou billah, tu te prives, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala l'imam al-Nawawi, fi sharh muslim, rahmatullah alayhi, ma'na imanan ay tasdiqan bi annahu haq. C'est cette croyance, cette conviction, ton siyam il te sera utile. Imanan, et tasdiqan, tu sais que c'est Allah qui l'a légiféré, tu reconnais que c'est haq, et tu reconnais les mérites. Wahtisaban, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala l'imam an-Nawawi, ay yurid Allah ta'ala wahda. Et son but, c'est la satisfaction d'Allah seul, et il sait que c'est une adoration. La yaqsud ru'yat an-nas, wa la ghayra dhalik mimma yukhalif al-ikhlas. Son but, ce n'est pas les gens. Ils vont dire, tu jeûnes pas. Là, tout ça, ça contredit l'ikhlas. C'est pour ça que tu trouves, Ba'd al-Nas, il délaisse beaucoup d'ibadat. Il fait que siyam. Pourquoi? Parce que c'est devenu une coutume. Ça fait partie de la culture de certaines personnes. Annahu, il fait siyam. Et il pense que c'est ça l'islam. Il a un prénom musulman et il fait siyam. C'est pour ça que vous avez remarqué, inda Ba'd al-Nas, si tu délaisses siyam, c'est comme si tu as délaissé le tawhid. C'est comme si tu as annulé ton islam. Et bien sûr, manger du halal. Ba'dhum, ils ont ces deux piliers de l'islam. C'est pas ça de dire. Manger du halal, celui qui mange pas halal, il a fait une ma'asiyah. C'est grave. Lakin, plus grave que ça, le shirk. Celui qui fait le siyam, il a fait une ibadah azima. Lakin, plus important que ça, le tawhid. Celui qui n'a pas de tawhid, son siyam, il sert à rien. Bil ijma. Celui qui fait salat, qui fait le siyam, lakin, c'est un mushrik. Il croit aux sorciers, il adore les morts, il demande aux morts, il sacrifie pour les morts. Sidi Fulan, Al-Wali, son siyam il est d'aucune utilité. L'Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في بغية الإنسان في وظائف رمضان وتكفير الصائم للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. Bien sûr, tu seras concerné par ce bienfait, ce mérite. Et Allah pardonne les péchés, celui qui fait le siyam, si tu respectes certaines conditions. Imanan wa ihtisaban la bud. C'est pas tous ceux qui font siyam annahum ils ont ces mérites. Après tout ça, on peut citer la mas'ala de celui qui fait siyam et il fait pas salat. Ça c'est une musiba كثير من الناس. Ils font siyam et ils font pas salat. Walillahi alhamd al muslimoun qui font salat et qui font siyam et c'est des mouahidoun, ils sont كثير walillahi alhamd. Su'ila Cheikh Abdel Aziz bin Baz rahmatullah alayh. Ils lui ont posé la question, هناك من يصوم ويؤدي العبادات ولكنه لا يصلي فهل يقبل صومه وعبادته. نحن aussi cette masala pour te montrer, أخي الكريم, أن si tu veux profiter de ces mérites, tu dois te soumettre, tu dois suivre, tu dois respecter des conditions. الصيام c'est pas ne pas manger, ne pas boire et c'est tout. قال الشيخ عبد العزيز الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عبادته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. C'est ça الصحيح. أنه son siyam il n'est pas accepté et aucune de ses ibadats elles sont acceptées tant qu'il ne fait pas الصلاة. لأن celui qui délaisse الصلاة c'est pas un musulman. قال لقوله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Il cite ce verset. L'Anna Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, pour lui, et c'est la vie authentique, celui qui délaisse la salat, il est tombé fil kufr al-akbar. Et le kafir, ses œuvres, elles sont annulées. Thumma, il cite l'adilla. Parmi les adilla qu'il a cité, قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. Entre l'homme et le kufr ou le shirk, c'est délaisser la salat. Et si tu délaisses la salat, tu bascules vers le kufr et vers le shirk. قال خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. حديث في صحيح مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. celui qui la délaisse, il a mécru, kafar. Hakada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala kharrajahu al-imam Ahmed wa ahl as-sunan al-arba' bi isnad sahih min hadith Burayda radiyallahu anhu. Wa qad basata al-allama ibn al-qayyim rahimahullah fi dhalik fi risala mustaqilla fi ahkam as-salat wa tarkiha wa hiya risalatun mufida tuhsan muraja'atuha wa al-istifadatu minha. Cheikh Abdel Aziz rahmatullah alayhi conseille de lire la risala de al-imam ibn al-qayyim fi ahkam as-salat wa tarkiha. Et il détaille ce sujet. Celui qui délaisse la salat, il est à la khatar. C'est amoud al-din. C'est le deuxième pilier de l'islam. Pourquoi faire cette ibada et délaisser l'autre? Alors que la première, elle est plus importante. Comme a dit Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, fil muntaqa, قال الذي يضيع الصلاة لا يصح منه الصيام ولا غيره. Celui qui délaisse la salat, le siyam et les autres ibadat, elles sont d'aucune utilité. لأن ترك الصلاة كفر والكافر لا يصلح منه عمل. نعم الكافر سي باكسبتي سي عمل. لابد tu commences par le début, اخي الكريم, التوحيد الشهادة. فادور الله سبحانه وتعالى seul. T'as la conviction que celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul. Tu crois au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام et t'as la conviction que pour adorer Allah tu dois le suivre et tu reconnais que c'est الرسول pour tout le monde. ثم tu fais الصلاة avec l'odo, avec ses conditions, en direction de Qibla, t'apprends comment faire الصلاة, tu récites le Fatiha, tu t'inclines, tu te prosternes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, si t'as de l'argent, al-zaka. Si t'as de l'argent, kadhalik, al-hajj, t'as la capacité. Le mois de Ramadan, il arrive, tu fais siyam. C'est ça les piliers de l'islam et c'est ça l'islam. Amma, prendre ce que tu veux et délaisser ce que tu veux, c'est pas min dinillah, azza wa jal. Qala al-Sheikh al-Fawzan, wa salat hiya al-rukn al-thani min arkan al-islam, wa siyam al-rukn al-rabi'. Sheikh al-Fawzan, il te montre que la salat, c'est plus important. C'est pour ça que celui qui délaisse le salat, c'est pas un musulman. Et celui qui délaisse le siyam, mais reconnaît l'obligation, ça reste un musulman. Lakin, il a fait un très très grand péché en délaissant un pilier de l'islam. Lakin, les gens, ils ont inversé. Délaisser le salat, pour eux, c'est presque devenu normal, chez certains. Délaisser le siyam, c'est pas possible. Ça vient d'où, hada? Ça vient de shaitan. Pour les égarer, il leur fait croire que l'islam, c'est telle chose, hatta ils le font, manger du halal, faire le siyam. C'est tout, c'est ça, être un musulman. Shaitan, il lui a fait croire cette chose à ce ab, hatta il l'égare. Bien, le shaitan, il combat l'ab. Il ne va pas lui dire, là, fais pas siyam, l'islam c'est mauvais, fais rien. Il va lui faire croire que cette chose c'est bon, ce ab, il va s'accrocher à cette chose et il va délaisser un fondement beaucoup plus important qu'à la salat. Qala le Cheikh al-Fawzan, fa salat muqaddama ala siyam wa hiya amoud al-din. Le prophète sallam, il a cité la salat et il a montré que c'était amoud al-din, c'est le pilier. La première chose que l'abd y rendra des comptes, c'est salat yawm al-qiyamah. Si elle est bonne, tout sera bon. Si elle est mauvaise, al-insan il est à la khatar. Et nous, la question qu'on pose à haoula, pourquoi délaisser salat? T'as adoré Allah subhanahu wa ta'ala ou tu prétends adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec siyam? Tu délaisses la nourriture, la boisson, tu délaisses beaucoup de choses, tu te prives. Pourquoi tu ne fais pas cet effort de salat? Pourtant c'est quelques minutes dans la journée et inshallah tu fais des efforts et tu vas voir. Ton cœur il va s'apaiser. Et inshallah tu seras à la as-sirat al-mustaqim. Amma délaisser le salat pour dunya, délaisser le salat à cause du travail, délaisser le salat à cause du sport, délaisser le salat parce que tu vas t'afficher عند al-kuffar, ils vont croire que tu es un tel, tout ça, ça montre que ce cœur il est malade jiddan. On conseille nos frères, annahum ifun as-salat. Si vous connaissez quelqu'un qui fait siyam, il fait pas salat, il faut montrer dans ces choses. Ça ne sert à rien de cacher. Al-hikma, c'est de montrer. Tu montres berufk, billati hiya ahsan. Tu le montres. Akhi, je veux ton bien. Tu es un musulman, tu te prétends musulman. Fa l'islam, c'est al-shahada, c'est le salat. Et ton Ramadan. Et tu l'encourages, tu le montres que Ramadan, il n'est pas perdu si tu fais le salat. Il faut de la hikma fi hada. Tu ne dis pas directement là, ton siyam, il est batil, tu n'es pas un musulman. Là, montre-lui, tayyib, t'as fait le siyam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'accepte et tu fais du'a pour lui. Tu lui montres que la cause pour qu'il soit accepté, c'est le salat. Et tu lui montres que le salat, c'est une facilité. Et tu lui montres les bienfaits de ce salat. Tu l'encourages. Et inshallah, il y aura du khayr. Enfin, eux, ils sont fautifs. Les annahum, ils ne font pas d'efforts. Et kadhalik, nahnu, des fois, on est fautifs. Les annahum, on ne montre pas assez. Il faut montrer. Surtout en période de siyam. Vous avez remarqué que les masajid disent, ils sont pleins fait Ramadan. Il y a une autre chose, c'est que Bardenas, il délaisse salat après. Ça aussi, c'est musib. Anta, tu le montres, tu l'encourages pendant ce mois, billati hiya ahsan avec hikmah, et inshallah, il s'accroche et c'est un khayr pour lui.